Fatigué, Henri raccompagna son dernier patient jusqu'à la porte du cabinet. Il ne consultait plus que 2 jours par semaine, ayant peu à peu confié sa clientèle à Adrien. Entre son fils et lui, la passation de pouvoir s'effectuait en douceur depuis quelques années. Le moment venu, la clinique n'aurait pas à souffrir de l'absence de Henri, qui pourrait enfin se reposer. Mais en avait-il envie ? Ainsi qu'il l'avait redouté, ses parties de golf du dimanche ne l'intéressaient que médiocrement, et hormis pour quelques vieux amis fidèles, il n'aimait plus ni sortir ni recevoir. Il retourna s'asseoir à son bureau, rangea le dossier dans l'un des nombreux tiroirs métalliques, à présent presque vides. L'exercice de la médecine qu'il avait comblé si longtemps ne parvenait plus à le mobiliser. Rien, en fait, ne le distrayait de l'absence de Camille. Tant qu'il avait pu s'occuper d'elle, même malade, même mutique, sa vie avait eu un sens précis. À présent, il subissait une espèce de vacance intellectuelle et affective qui le consternait. Sa maîtresse du moment, une femme de 45 ans encore très belle, se donnait pourtant beaucoup de mal pour lui plaire. Galant, il lui envoyait souvent des fleurs, l'emmenait dîner dans un grand restaurant 1 ou 2 fois par mois. Mais ensuite, lorsqu'il se retrouvait dans son lit, il éprouvait toutes les peines du monde à lui faire l'amour. Baissant les yeux sur l'agenda ouvert devant lui, il lut « Départ Pérol, à la date du 23 décembre, dans 4 jours ». Tout était prévu, y compris qu'Adrien vienne le chercher en taxi au pied de l'immeuble. Les places de TGV étaient réservées et une voiture de location les attendrait à Toulouse. Quant au cadeau de Noël, Henri avait fait un saut à Paris et s'était promené Faubourg Saint-Honoré jusqu'à ce qu'il se décide à entrer chez Hermès. Il y avait acheté un sac destiné à Pascal et une montre pour Adrien. De la folie peut-être, mais il n'avait plus que ses 2 grands-enfants à gâter désormais. Avant de quitter le luxueux magasin, il s'était souvenu que l'ami de Pascal, Aurore, passerait le réveillon avec eux. Aussi lui avait-il choisi un foulard. Durant bien des années, Noël avait été une fête magnifique chez les Fontanelles. Camille voulait toujours un sapin immense, passait des heures à le charger de guirlandes lumineuses, puis entassait à son pied une multitude de paquets. Elle accrochait des boules dorées dans toute la maison, décorait les fenêtres, peaufinait son menu, achetait de nouveaux bougeoirs. Henri la laissait faire, attendri, tandis qu'Adrien et Pascal battaient des mains, surexcités par ses préparatifs. Pascal allait-elle maintenir la tradition de sa mère ? La connaissance était probable. Elle voudrait fatalement rendre à Pérol l'atmosphère de son enfance. Descendre à Pérol était un cauchemar pour lui. Pourquoi ne l'avait-il pas vendue sans rien dire à personne ? Sa fille ne serait pas partie s'exiler là-bas et il n'aurait pas été contraint d'y retourner. Il essaya encore une fois de chercher un prétexte valable pour échapper à ce voyage. En vain. Pascal ne comprendrait pas. Adrien non plus. C'était pourtant si simple. Pérol contenait trop de souvenirs, certains atroces et d'autres merveilleux. Pérol était trop chargé de l'histoire des Fontanelles en général et de son histoire à lui, Henri en particulier. Pérol le ramenait sans pitié vers son passé, l'obligeant à se rappeler ce qu'il avait commis. Une faute ? Un crime ? Quel nom donner à cette décision qu'il n'en finissait pas d'expier ? Camille avait fini par le regarder avec horreur, alors qu'elle avait librement consenti. Librement. Un petit rire amer lui échappa. À l'époque, Camille était perdue. Elle n'avait plus aucun repère. Sa seule certitude tenait à son amour pour Henri. Il aurait pu lui faire accepter n'importe quoi. Autour d'eux, les gens avaient cru qu'ils joignaient leurs 2 solitudes. Lui était veuf et cherchait une mère pour son petit garçon. Quant à elle, l'éternelle abandonnée, elle trouvait refuge auprès d'un homme solide qui lui ouvrait les bras. Mais la vérité était bien différente de cette image d'Épinal. D'abord, ils se connaissaient depuis longtemps. Ils s'étaient déjà aimés d'un amour impossible. Et n'était-ce pas le destin de Camille que de se heurter à des choses impossibles ? Les Montagues l'avaient rejeté. Raoul Coste l'avait rejeté. D'un revers de main furieux, Henri balaya son agenda, qui atterrit à l'autre bout du bureau. Il était entièrement responsable. Il n'avait aucune excuse, aucune. En voulant préserver Camille, il s'était surtout préservé lui-même, en bon égoïste, et au bout du compte, il avait condamné la seule femme qu'il eût jamais aimée. Comment allait-il faire à Pérol pour ne pas se laisser asphyxier par les souvenirs, les regrets, la culpabilité ? Pourquoi Pascal lui imposait-elle ce calvaire ? Devant lui, la pendulette indiquait 7 heures. Il devait encore faire son petit tour habituel à travers la clinique avant de pouvoir rentrer chez lui. De plus en plus souvent, il s'attardait à chaque étage, bavardant avec les médecins de garde, échangeant des plaisanteries avec les infirmières. Il n'avait pas envie de retrouver son appartement désert. D'ailleurs, il n'avait plus envie de rien. Avec un sursaut, il réalisa qu'il avait encore un rendez-vous, pour dîner celui-là, et qu'il avait failli l'oublier. Il se leva, récupéra son agenda étalé sur la moquette. Oui, c'était bien aujourd'hui qu'il emmenait sa maîtresse au restaurant. Or, il n'avait réservé nulle part et devait d'abord se changer. Fatigué d'avance à l'idée de la soirée qui l'attendait, il haussa les épaules deux fois de suite, mais ce geste de mauvaise humeur ne lui apporta pas le moindre soulagement.